Selon l'agence de presse sud-coréenne Yonhap News, qui cite le 15 courant les données du ministère sud-coréen de la Défense et de l'agence des affaires défensives, les autorités militaires sud-coréennes ont payé énormément les préparatifs de guerre d'agression aux suzerains américains. Depuis 2006 jusqu'en octobre de l'année dernière, l'agence des affaires défensives a acheté les armements dont les dépenses correspondent presque à celles de la guerre de l'année passée. Plus déplorable, c'est que la Corée du Sud se charge de 8 900 milliards de won dans l'élargissement de la base militaire américaine de Pyongtaek, suivant l'objectif stratégique des États-Unis.